peu là. Ils sont pas pareils. Faudrait qu'on mange un ancien. Là, ils sont pas pareils. Je suis barbare, ils sont pas pareils. Ah bah ouais, merci. Faudrait qu'on mange à l'ancien, le temps perdu fait qu'on se rapproche tous de l'OD. Ils sont pas pareils. Y'a rien qui change mon ami, vite baisser leur vitesse me fait charler dans l'audio. Faudrait qu'on mange à l'ancien. Faudrait qu'on mange à l'ancien, le temps perdu fait qu'on se rapproche tous de l'OD. Y'a rien qui change mon ami, vite baisser leur vitesse me fait charler dans l'audio. Le dimanche soir on est frères, attends de nous voir demain et on redevient OB. Ils veulent recevoir la frappe, les impatients n'ont pas le temps d'attendre le OD. Tu veux nous rattraper, c'est mort sur la route, on tape le doigt d'honneur, ensuite toute la langue. J'ai récupéré tes nanas au passage, te confirme, elles sont la pêche, t'inquiète, elles prennent toute la main. Réseaux sociaux, rap, de cité toute l'année, le flow adéquat par celui de tout la langue. Et tâche de rester dans le pilon pour planer, cartel, on met jamais la salade sous la langue. Ils sont pas pareils, on est préparés, papa. Ils sont pas pareils, on est préparés, papa. Je n'ai pas pareil, je baisse le rap, je le fais pas.